Les éditions de l'avenir présentent le PC Show avec Paul Courtemèche. Alors, Mac, comment ça va? Je sais pas si je vais être capable de jouer ton play, mon vieil. Si il est en anglais, il y aurait pas de trouble. Tu tortureras très bien, tu verras, Mac. I'm scared to death, mon vieil. Joue ton personnage comme en répétition, puis tu seras parfait. If you say so. Allez, je te laisse. Je vais voir comment les autres se portent. Thanks for dropping in. Je t'en prie. Allô, pépère, comment ça va? Oh, ça va mal, mon jeune. Je serai pas capable. Faut que tu trouves quelqu'un d'autre. Mais non, ça va bien se passer. Oh, ça m'étonnerait, mon jeune. J'ai tout oublié. Je serai plus une base ou elle de ligne. Ne vous inquiétez pas pour ça, pépère. Ça va vous revenir une fois sur scène. Oh, c'est toi qui te dis, mon jeune. Et puis, si ça me revient pas, qu'est-ce que je vais faire? Si jamais ça se produit, ce qui me surprendrait. Eh bien, on sera là pour vous rafraîchir la mémoire et vous souffler vos répliques. Vous inquiétez pas pour ça, papa. Ouais. Allez, je vous laisse finir de vous préparer. À tantôt. Ah, je suis pas sûr. Oui? Ah! Salut, mon Polo! Comment ça va? Moi? Je dois avouer que, pour une fois, je n'ai pas une pêche d'enfer. Je ne croyais pas que ça me stresserait autant de participer à ta pièce. Je parle tous les jours devant public, et ça ne m'énerve pas. Mais aujourd'hui, je préférerais mille fois me trouver devant une meute de requins de la finance à tenter de leur vendre la dernière invention de mon cousin Samy. Tu te souviens de Samy, l'inventeur? Oui, je m'en souviens très bien. Et je te comprends parfaitement. En participant à cette pièce, tu te hasardes hors de ta zone de confort. Tu l'as dit! Mais je suis persuadé que tu t'iras très bien, mon vieux. Tu es un excellent acteur et, en répétition, tu as livré ton texte comme un maître. Tu crois? Puisque je te dis. Ah, merci, mon Polo! Ça me rassure! Allez, je te laisse. J'ai encore du monde à voir avant le début de la représentation. Ok, merci encore. Je t'en prie. Témoin, vous êtes là? Oh non, Dieu, il est mort. Il respire encore. À un moment, j'ai craint le pire. Heureusement, j'ai tout prévu. Même les selles pour éveiller des petites natures. Encore un petit coup. Que s'est-il passé? Ben, vous avez tourné de l'œil, apparemment. Moi? Oui, vous. Ça va mieux maintenant? Oui, je crois. Vous êtes encore un peu vert, hein? Attendez-moi là. Tenez, buvez. Un peu d'eau vous fera du bien. Vous aviez raison. J'avais grand soif. Ça va mieux? Oui, beaucoup mieux. Prêt pour la représentation? La représentation? Oh! Ça commence. J'ai plus le temps de m'en occuper, mon ami. Oui? Tu peux venir m'aider? Il y a le témoin qui fait des siennes. Bien sûr! Allez, viens, suis-moi. Qu'est-ce qu'il a? Il est dans les vapes. La moindre mention de la représentation, l'expéditeur a morphé. Tiens, prends les selles là, et vois ce qu'il reste conscient. Je dois encore visiter Mme Coudon. Et je ne te garantis rien, mais je ferai de mon mieux. Je ne peux pas demander plus, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est pas le cortomèche. Vous êtes décente? Je peux entrer? Oui, bien sûr. Je vais voir comment se porte ma star. Oh, monsieur Courtemèche, j'ai un trac fou! Comme l'écolière lors de son premier rendez-vous galant. C'est normal. Sinon, vous êtes prête? Autant que faire se peut, monsieur Courtemèche. 5 minutes. Merci, Pete. C'est le moment, madame Coudon. Mes amis, merci d'être là. Amusez-vous. Et souvenez-vous seulement que cette représentation n'a qu'un seul but. Ramasser des fonds pour une bonne cause. Et ça, c'est déjà fait, puisque la salle est bondée. Ah, pas encore. Je t'avais dit de veiller à ce qu'il reste éveillé. Et ce n'est quand même pas de ma faute s'il est plus mou que Bobinette, ton témoin. Je dirais à l'orchestre de jouer quelque chose, en attendant que tu le réveilles. Oui, bonne idée. Allez, témoin, reprenez-vous. Ce n'est vraiment pas le moment de tourner de l'œil. père, je ne saurais me contenir. Je me désespère car j'aime à en mourir. Écossais, j'ai mal entendu mon aîné. Que nenni, papa Bougon et illettré. Et c'est qui ce raté? C'est Rodéo, mon adoré. Lui, c'est effronté. Jamais. Couis-je? Vous lui refuseriez ma main? À certains, de ma fille, pas un petit bout pour ce coquin. Oh mon père, je vais défaillir. Elle fut les selles, vous croyez? Allez lui demander. C'est à vous. En scène. Qu'apprends-je? Droit de la bouche de mon fils? Un tissu de meurtri. Qu'une ennemie? Si, si, si. Mais au fait, que dit-il? Que votre fille lui a offert sa main. Votre fille. J'ai rien que des mentries. Vous massacrez mes vers. Vous le traitez de menteur? Et son honneur? Mais il n'a pas d'honneur! C'est rien que menteur! Dans le sang, se lave un tel affront. C'est ça qu'on va voir! Ah, pépère, pépère, mes vers! Témoin, dites à Kael de monter sur scène. Qu'il chante sa chanson pendant qu'on change les décors. Tout de suite, mon très cher monsieur. Oh, au fait, que doit-il chanter? Aïdou, de Christian Martin. Ah bon? Et c'est un cantique? Non, pas du tout. Ah, dommage. Right. Allons, dépêchons. En scène pour le deuxième acte. Allons, mon ami. Souffle-moi des mots qui charmeront mon épée. En dessous de le balcon, je me cache sans façon. Quant à toi, tenez-vous dans la rue. Vous serez à la vue. Fort bien. Je t'obéis non sans une certaine frénésie. Allez, vas-y. Mon Paulette, oh, mon Paulette, t'étiez-vous fidèle dans ton corbeille? Rodéo, Rodéo, est-ce toi mon Rodéo? Yes, c'est moi, mon Paulette adoré. Qu'est-ce que c'est qu'il a dit ton père à l'annonce de nos fiançailles? Son visage devint cramoisi, car de colère il fut saisi. Il a dit, non, il n'en est pas question. Il y a donc de l'espoir. Je peux-tu monter vous voir? Patiente un instant, mon cow-boy fringant. Comment tu l'as, maman? Si je monte la voir, comment seras-tu ma voix? C'est plus que temps que tu voles solo, oh rodeo. À parler pour toi, je suis presque à faune. Et puis, même de site, j'entends mon téléphone. Rodéo, rodéo, es-tu là, mon rodéo? Oui, mon Paulette, je t'attendais, mais c'est frisquette. Tu peux monter, mon père s'est absenté. Soit, me v'là, ouvre-moi tes bras. Allez, montez. No way. Tu vas-tu monter, crétin? Et ne me pousse pas, Béotien. Alors, ça vient. Ça vient, mon douce. Soit, je me pousse, mais tu me le paieras. En cash, n'est-ce pas? Ah ah! Je te surprends, le scélérat! Ciel! C'est mon père! Oui, c'est ton père! Juste à temps pour sauver ton hymen! Monsieur, calmez votre haine! Oui, oui, calmez ton haine! Dieu! Vous êtes deux? Ils sont deux? Ah, parvers! C'est une partouze que vous contempliez! Monsieur, cessez! Vous comprenez tout le travers! De votre fille, je suis l'amant! Et lui? Moi, je suis le voix! Boswell, que v'là de belles balivernes! Mais c'est la vérité. De toujours, mon fils de timidité fut affligé. À une jeune fille, jamais il n'a su parler, ce qui explique qu'il ne soit pas encore marié. Ainsi, une fois de plus, vous le traitiez de menteur et éclaboussiez son honneur. Alors, ce duel... On se le fait? Sûr qu'on va le faire, Boswell! En garde! Regardez! Ton Paulette! Le ciel se descend! Prenez garde, mon aimé! Au sol de vous affaler! Ça suffit! Messieurs nos pères! Tout comme mon hymen, sauf est l'honneur de Rodéo. Inutile de vous percer la peau. Par ailleurs, je ne vois pas pourquoi vous insistez tous deux pour faire notre malheur. J'ai l'âge de raison. Depuis de très nombreuses saisons. Et suis à même de voir moi-même à la destinée de mon hymen. Rodéo m'aime, et cet amour est partagé. Nous allons nous marier. Mais... J'ai décidé. Je te déshériterai. Rodéo est fortuné. Je n'ai que faire de vos sous. Ah bon? Alors, ça change tout. Et je défrayerai les coûts de la noce. À la bonne heure! V'là un solide négoce! Ainsi, mon père, plus d'opposition. Ma fille, tu as ma bénédiction! Mesdames et messieurs, Paul Courtemèche. Ah, monsieur Courtemèche, quelles acclamations, quel succès, quelle œuvre! Oh, j'ai toujours su que votre ridicule petite rubrique n'était pas digne de votre talent. Quoi? Les éditions de l'avenir vous ont présenté le PC Show avec Paul Courtemèche. Vos interprètes Carole Bazzani dans le rôle de Madame Poudon, Gabriel Jean dans les rôles de Marc, de Pépère et de l'Annonceur, et Christian Martin dans les rôles de Paul Courtemèche, de Pete et du Témoin. Le texte et les personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Non-Derivatives et est une production 2012 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.